contes de fées en français. Les trois poupées. Il était une fois un roi en Inde, le roi Raghavendra, qui adorait plus que tout résoudre des énigmes. Un jour, il reçut un cadeau de son meilleur ami, le roi Vilasrao. Votre Altesse, je vous apporte un cadeau de la part de mon roi, son Altesse royale, le roi Vilasrao. Ah ah, ce doit être une nouvelle énigme. Ton roi et moi, nous avons résolu beaucoup de choses quand nous étions ensemble au Gurukul. Je t'en prie, mets-toi à l'aise et profite de mon palais pendant que j'écris ma réponse à Vilas. Merci, Votre Altesse. Essaie de trouver une différence entre ces trois poupées. Merci, Vilas. Je te promets que je vais t'envoyer la réponse très bientôt. Le roi étala les trois poupées devant lui et les examina. Il passa des heures à mesurer tous les aspects des poupées, mais il ne put trouver aucune différence entre elles. Le roi se demanda ce qu'il ratait et il finit, après beaucoup de réflexion, par faire appel à l'homme le plus sage de son entourage. Essaie d'identifier une quelconque différence entre ces trois poupées. Je vais faire de mon mieux, Votre Altesse. L'homme sage examina les trois poupées sous toutes les coutures, mais lui non plus ne put trouver une seule différence entre elles. Je suis désolé, Votre Altesse, mais à mon avis, ces trois poupées sont parfaitement identiques. Comment est-ce possible? Peut-être que votre ami vous a fait une blague, Votre Altesse. Mon ami ne plaisante jamais quand il s'agit d'énigmes et de devinettes. Notre bouffon à la cour aurait fait un meilleur travail que toi. Pile à ce moment-là, le bouffon qui passait par là entendit cela et entra dans la pièce. Je passais par là et j'ai entendu mon nom. Qu'aimeriez-vous, monsieur, une blague, une danse ou un jeu? Ah, si le sage ne comprend rien, peut-être que le bouffon, oui. Peux-tu trouver la différence entre ces trois poupées? On dirait qu'elles sont pareilles. Elles ont l'air pareilles. Elles pèsent pareil. Elles sourient pareil. Elles sonnent même pareil. Elles ont le son du silence. Et ça aussi, ça sonne pareil. Absolument aucune différence, Votre Altesse. Peut-être que cette énigme est une blague, alors. Mon ami ne plaisante jamais quand il s'agit d'énigmes et de devinettes. Va-t'en. Le roi était si désespéré qu'il autorisa au palais quiconque voulait essayer de résoudre l'énigme. Mais personne n'y parvint. Un jour, une vieille conteuse d'histoire fut amenée devant lui. J'ai entendu dire qu'une énigme vous turlupine, Votre Altesse. Alors, comme ça, les conteuses d'histoire résolvent les énigmes maintenant? Peut-être que cette histoire parle d'une énigme, Votre Altesse. Ou peut-être qu'il y a une histoire dans l'énigme. Ah, essaie donc si tu veux. Une histoire requiert un conteur et une audience, Votre Altesse, vous savez. Et donc, tu me demandes de rester? Oui, Votre Altesse. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de 3 mèches de cheveux, s'il vous plaît. 3 mèches de cheveux? Pourquoi? Eh bien, des choses qui semblent identiques à l'extérieur peuvent être très différentes à l'intérieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arracher 3 mèches de vos cheveux et me les donner? On dirait que tu me donnes des ordres. Peut-être bien, mais je ne demande rien de déraisonnable, n'est-ce pas? Non. Prends ça. Votre Altesse. Prends ça. Thank you. la différence, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la première poupée est l'homme sage. Il écoute, considère chaque mot et le garde au plus profond de son cœur. La deuxième poupée est le bouffon. Ce qu'il entend rentre dans une oreille et en ressort par l'autre. La troisième poupée est la conteuse d'histoire. Ce qu'elle entend, elle le transmet aux autres. Voilà. Mais alors, quel genre de personne est la meilleure pour toi? Cela dépend de la situation, Votre Altesse. Parfois, il y a des choses qui doivent rester en secret. Parfois, il y a des choses comme par exemple les ragots qui ne méritent pas l'attention de personne. Et parfois, il y a des choses comme les histoires ou le savoir ou les leçons qui doivent être partagées avec tout le monde pour que chacun puisse en profiter. Ce ne sont pas les poupées elles-mêmes qui sont bonnes ou mauvaises. Tout dépend de quelle poupée vous utilisez dans quelle situation. Oh, merci beaucoup. Voici ta récompense, ma bonne dame. Merci. Ainsi, le roi envoya sa réponse à son ami en le remerciant pour la merveilleuse leçon donnée grâce à l'énigme. Désormais, à chaque fois qu'il devait décider quoi faire d'une nouvelle information, la garder secret, l'ignorer ou la partager, il repenserait aux trois poupées et cela l'aiderait dans sa décision.